Mimésis. Chapitre 14. Renaissance. Le noir. Devant. Derrière. Tout autour. Il m'englobe. M'oppresse. M'emprisonne. J'ai beau fermer les yeux en priant pour qu'il fasse clair en les rouvrant. Rien. Juste rien. Ce noir est un tombeau, et j'y glisse chaque seconde davantage. J'ai survécu, peut-être, mais pour combien de temps ? Je n'arrive plus à bouger, ni mes pieds, ni mes jambes. Ma tête est lourde, ma nuque raide. Je suis si fatigué. Je ne l'avais pas remarqué tout de suite, mais maintenant j'entends plus que ça. Un sifflement continu dans ma caboche, là, juste sous ma tempe. J'arrive pas à le faire taire. J'essaye de respirer, mais ma poitrine me serre comme un étau. J'inspire, de plus en plus fort, de plus en plus vite. Je bouge un doigt, l'index puis les autres, un à la fois, leur peau contre le béton râpeux. Ma main se contracte, autonome presque, comme une araignée qui voudrait s'enfuir sous le sable. À défaut, la voilà qui touche d'abord ma hanche, puis explore le reste de mon corps. Je la sens contre ma cuisse, mon torse. Elle tâte, palpe, se love contre ma joue. Ouais, je suis toujours là. Je n'explique pas. Cette odeur qui se jette à mes narines, c'est pourtant bien celle de la mort. J'ai vu tout le monde y passer. Sauf elle. Sauf moi. J'ai de la cervelle et du sang plein la gueule. Peut-être des morceaux d'os plantés dans la chair. Je les revois tomber l'un après l'autre, leur gueule, tordue. La chaleur. La brûlure. Je me souviens avoir couru autant que je pouvais. Je sais pas où je suis. Je fais l'inventaire de mes affaires. Plus d'armes. Plus de téléphone non plus. J'ai dû les perdre en chemin. Ça pourrait ce que... J'enfonce mon doigt dans mon oreille. Le four au plus loin essaye d'en sortir mes intras. Je les trouve pas. Je me redresse comme je peux. Soulève une paupière du pouce. Plus de lentilles non plus. J'ai pas le temps de jubiler. Je crois bien avoir entendu un bruit. Quelqu'un vient. Je me laisserai pas faire. Je peux encore me battre. Je me lève tant bien que mal. Tâtonne jusqu'à trouver le mur. Dresse l'oreille. Les pas se rapprochent. Vite, de ce côté. J'ai beaucoup de mal à marcher. Et l'autre gagne du terrain. J'entends sa voix qui se précise. Il est pas seul. Une conversation presque badine. Des rires. Quand je me retourne, je suis ébloui par plusieurs lampes torches. Je mets quelques secondes pour y voir clair. En face, une bande de gamins déconfits pensent avoir vu un fantôme. J'essaie de leur parler, mais ma voix rocailleuse achève de les effrayer. Les jeunes maraudeurs prennent leurs jambes à leur cou dans un fatras métallique. Je me penche pour ramasser ce qu'ils ont fait tomber. Dans un grand sac de jute, tout un trésor. Entre plusieurs babioles, une lampe et mon arme de service. En suivant des tags, je finis par trouver un passage qui donne sur la surface. J'hume l'air chaud de la ville à plein poumon. Va me falloir une planque, au moins pour quelques heures. Besoin de me laver et de changer de fringues. Je pue le sang et la poussière. Mais je dois me rendre à l'évidence. Jamais je pourrais louer une chambre dans ces conditions. J'ai une autre solution. Je suis des voies désaffectées jusqu'à un ancien entrepôt. Sur son flanc, un branleur qui croit fumer en cachette. Il me remarque trop tard pour m'éviter. Je lui demande l'adresse du sex shop le plus proche. Avec sa gueule de jeune premier, c'est bien le genre de mec à baiser du silicone. Il me répond qu'il en sait rien. Le métal de mon flingue le rend d'un coup bien plus loquace. Je t'emprunte ton manteau, tes clopes et quelques billets au passage. Allez, file. Et pas d'esclandre. Je te retrouverai. J'avais pas fumé depuis un bail. Qu'est-ce que ça fait du bien. Je tire ma dernière latte en arrivant devant le sex shop. En voyant la devanture, j'ai comme un sentiment de délivrance. La vitrine est couverte d'un bleu mat, relevé de vieux néons. Il dessine une silhouette cambrée, les seins qui pointent, et une flèche qui indique l'entrée. Sur la porte, un avertissement pour le moins explicite. Ici, on tronche du robot sexuel, de jour comme de nuit. Chambre à l'heure et propreté garantie. Ça fera l'affaire. À l'intérieur, on se croirait déjà dans la chatte d'une michetonneuse. Du velours rouge au mur, au sol. Et à travers les portes, les remous étouffés des râles artificiels. Même à cette heure tardive, l'établissement ne désemplit pas. Je réserve au comptoir une chambre pour quelques heures. Le premier prix. Avec ce que j'ai emprunté à l'autre type, j'ai pas de quoi être regardant. Ma chambre est à l'étage. On sort un petit gars propre dans les 15-16 ans. Quand il m'aperçoit, sa tête vire au blême. Le voilà qui me lance des excuses honteuses comme si j'étais son paternel. Va, mon garçon, t'es pas le premier à te faire dépuceler par un morceau de plastique. Sans me répondre, le gosse disparaît 4 à 4 dans les escaliers. En même temps, vu ma gueule... J'entre dans la chambre en espérant y trouver un miroir pour examiner l'ampleur des dégâts. Oh, le petit con! Il a tout laissé en plan. À genoux sur le lit, le robot est toujours allumé, la croupe en l'air, il quémande une levrette qui ne viendra jamais. Je mets fin à la torture en appuyant sur le bouton d'arrêt et lance le programme de nettoyage. C'est comme tirer la chasse, merde, c'est quand même pas compliqué. Je jette mes vêtements sales et file dans la salle de bain. Ah ouais, quand même. Une plaie me barre la tête, du front jusqu'en haut du crâne, et mes cheveux sont noyés de sang coagulé. J'espère qu'ils ont des patchs cicatrisants. Je fouille dans les commodités. Bingo! Je peux remercier les tordus qui s'entaillent sans assumer leurs cicatrices. Bon, je vais être obligé de me raser le crâne. J'entre dans la cabine, fais couler une eau très chaude. J'ai l'impression d'être dans un film d'horreur avec tout ce sang dilué qui coule le long de mon corps. Allez, ça va piquer, mais j'ai pas trop le choix. Je retiens hurlement quand le fil du rasoir frôle ma plaie. Mes cheveux s'en vont par grappes. J'applique le patch et son contact glacé me soulage immédiatement. La pression chute d'un coup et moi, je tombe en sanglots.